Tous les jours, dimanche, Zoli, Baba. Tous les jours, dimanche, Zoli, Baba. Zoli, Baba, nous, nous, si belle. La boîte infinie tombée. La boîte infinie tombée. La boîte infinie tombée sous le temps des carangues, l'aliment des abandons. Tous les jours, dimanche, Zoli, Baba. Tous les jours, dimanche, Zoli. La boîte finit tomber, la boîte finit tomber, la boîte finit tomber sous le dernier calang, l'aliment des abandons. Les voix répondent, moi, là-bas, si ton, les voix répondent, moi, là-bas, les voix répondent, moi, là-bas, si ton, les répondent, moi, là-bas également. Avec la qui va pétiment encore, avec la qui.